libre, chacun de nous. Seulement chez moi, quelque chose qui fonctionne pas. On appelle ça un léger des actes. Hey yo, mon mic c'est comme ma queue. Par exemple, le meilleur flow de la ville, ça m'a peut-être demandé s'il te plaît. J't'envoie mon encre d'île, les billes, les trop de M6 qui chatouillent. Mais gros, il paille, car tes cuisses de grenouille. Comme où il sort, puis que j'te barbouille comme Van Gogh. T'en bas du dos, ma toile, grave mon pinceau. Marque mon territoire d'une douche dorée pour le verso. De l'Amérique, Québec, on connecte comme Internet, yo. On pose notre drapeau sur la planète, so. Accepte et respecte l'autorité. Sinon, tu devras comparer ton XT avec mon LT blindé. Tes lignes sont coupées, les miennes sont purs et durs comme de la roche. Sur mes rimes, t'hallucines, pire que sur le moche, les coches ne peuvent rien y faire, mon shit est légal. Incapable de m'accuser de grave violence verbale. Mon avocat, le diable plaide non coupable. Tient le monde responsable de mes maladies mentales, c'est normal. Après tout, je suis une victime, un innocent et je demande des dommages. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. Problème c'est qu'il me faudrait du cash pour une AK ou un 4x4. Un appart au premier pour être 4 rentrés à 4 pattes. Une clôture sur blanche, un chien qui donne la patte, un chat qui sert à rien, ainsi qu'une chienne pour me faire des tartes et plein de spa. Voyager, faire le tour Dakar, consommation. Je rêve au jour où je paierai avec ma carte, mais pour l'instant c'est pas le cas. Même que parfois je dois vendre mon sperme, gars, juste pour être sûr que ce soir je bois, c'est pas de choix. Un alcoolo, ni un toxico, seulement qu'un mélange des deux, l'un ou l'autre, il me faut la peau de tous les faux. Hey yo, c'est simple à comprendre, allergique au plastique et silicone. C'est pas assez de temps, t'inquiète pas ma grande, mais c'est juste léger des axes qui fait que mon axe penche trop vers ma mauvaise face. Quoi que je fasse, ça me lâche pas, pire ça se cache pas, ça me fâche pas. Juste qu'il fallait que tu saches ça. Devine pour qui je me surpasse et surpasse les fausses faces qui trespassent notre espace. Ça laisse pas PS. Si mon dialecte est trop complexe, te vexe pas. Check à l'intérieur de la pochette, y'a les textes faits pour ça. Il faut que tu catches bien ce que je dis, faut que tu catches bien ce que je vis. Faut que tu saches bien ce que tu dis à tes amis quand tu critiques ton nouveau CD. Celui où y'a inscrit de face le gémeau sous le prix. J'ai trop de mètres pour les bootleggers. Je vous en prie, laissez-moi faire mon cash. Ma tête tourne comme une toupie chaque jour. 3, 6, 5 fois par année, faites pas chier. Ici y'a personne pour me parrainer. Nos aînés sont bien chacun en main, ils ont un métier. C'est ça qu'il nous faut quand on veut baiser comme un laitier. Nos aînés sont bien chacun en main, ils ont un métier. C'est ça qu'il nous faut quand on veut baiser comme un laitier. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes. C'est juste léger des axes, léger des axes.